et le même train que son voisin, un bourgeois. Le train les roulait ben doucettement, chacun dans leur compartiment. En troisième classe, le pauvre peineux, perdillé sur un banc pouilleux, tandis qu'en première, le bourgeois se carrait le cul dans le velours et la soie. Mais tout à coup, avant d'arriver, et voilà le train qui se met à dérailler. Et quand après on déterra, de morts qui avaient plus de tête ni bras, personne put dire lequel des deux était le bourgeois ou bien le peineux. Personne put dire lequel des deux était le bourgeois ou bien le peineux.